is my life. This is my life. This is my life. This is my life. This is my life. This is my life. This is my life. Besoin d'argent pour partir au bled définitivement. Avec une meuf bien dans ses formes et naturellement bonne. T'inquiète baby, bientôt on flex à Miami. Bientôt je fais un studio, pose un son avec 50 featuring Wizzy. Bientôt je fais dans une villa, Inch'Allah dans Atlanta. On s'habille